Cette chanson est pour toi, mamie. Celle qui m'a élevé quand mes parents pouvaient pas. Mamie Simone, 80 ans passés, mémoire qui flanche, mes cœurs jamais blessés. Elle me gardait petit pendant que ma mère bossait. Goûter chez elle, tartine beurrée, c'était validé. Elle me racontait la guerre, l'occupation, son premier amour mort au front, émotion. Comment elle a survécu, rebâti sa vie, épousé Pépé Marcel, eu 3 enfants suivis. Maintenant elle reconnaît plus trop les gens, Alzheimer qui grignote ses souvenirs doucement. Mais quand j'arrive, son visage s'illumine. Elle dit mon prénom, quelques secondes ça culmine. Mamie Simone, t'as été ma lumière. Mamie Simone, merci pour tout sur terre. Tes câlins, ta cuisine, tes histoires du passé. Même si tu t'en souviens plus, moi je vais jamais oublier. Mamie Simone, t'as été ma lumière. Mamie Simone, merci pour tout sur terre. Tes câlins, ta cuisine, tes histoires du passé. Même si tu t'en souviens plus, moi je vais jamais oublier. Je la vois chaque semaine à la maison de retraite. Couloir qui sent désinfectant, ambiance un peu bête. Elle est assise dans le salon commun. Regard vide, perdu dans son monde, seul sans aucun. Je lui apporte des photos de quand j'étais môme. Elle les regarde sans comprendre, ça me plombe. Mais je lui parle quand même, je lui raconte ma vie. Des fois elle sourit, des fois elle dit rien, c'est ainsi. Le personnel me dit qu'elle parle de moi. Qu'elle a un petit-fils, qu'elle attend, c'est moi. Même si dans l'instant elle sait plus mon nom. Au fond de son cœur, notre lien résonne, c'est bon. Mamie Simone, t'as été ma lumière. Mamie Simone, merci pour tout sur terre. Tes câlins, ta cuisine, tes histoires du passé. Même si tu t'en souviens plus, moi j'ai jamais oublié. Mamie Simone, t'as été ma lumière. Mamie Simone, merci pour tout sur terre. Tes câlins, ta cuisine, tes histoires du passé. Même si tu t'en souviens plus, moi j'ai jamais oublié. Un jour, elle sera plus là. Et j'aurai mal, comme jamais c'est ça. Mais je garderai précieusement chaque moment passé, chaque enseignement. Mamie, si tu m'entends là-haut un jour, sache que tu m'as appris ce qu'est l'amour inconditionnel. Patient, généreux, merci d'avoir été là. Merci pour tous ces merveilleux.